De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, dans la vie, combien de fois prenons-nous une règle pour mesurer la taille d'un objet ou l'odomètre de notre vélo ou de l'auto pour connaître la distance entre deux points ou deux villes? Alors, aujourd'hui, mesurer une longueur ou une distance est un geste banal, usuel, simple et à la portée de tous. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'invention d'un système stable et son implantation universelle ont constitué toute une épopée. Alors, pour nous en parler, je reçois Dominique Boudreau, coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques. Bonjour Dominique. Bonjour François. Alors Dominique, on va commencer par le début, je dirais. Le mètre que l'on utilise au quotidien, d'où vient-il? D'où vient-il? C'est une bonne question. En fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il a toujours existé? Oui, premièrement. Comme pour la plupart des choses, la réponse est non, évidemment. Oui, il y a eu un début quelque part. Voilà. D'ailleurs, François, est-ce que tu te mesures en mètres ou en pieds? J'ai tendance, j'ai tendance à mesurer en pieds, moi, mais je sais quand même la correspondance en mètres. Voilà. Donc, en fait, pour les plus vieux d'entre nous, on se mesure en pieds, effectivement. Oui, tout à fait. Mais moi, je le vois au centre de démonstration, les plus jeunes qui passent maintenant, tout le monde, les plus jeunes à partir du primaire, en fait, se mesurent en mètres. Donc, comme quoi le système international des unités commence à vraiment se disséminer un peu partout dans la population, c'est un fait, de plus ça. En plus. Parce qu'au Canada, moi, quand j'étais jeune, c'était pas le système métrique là, qui était... Non, effectivement, au Canada, ça a été adopté dans les années 70. Oui, ici oui, j'avais à peu près 13 ans, effectivement. Oui, effectivement. Donc, avant ça, on avait le système impérial, puisqu'on est une colonie d'Angleterre. D'ailleurs, il faut savoir que le système international des unités, il y a 7 unités de base, dont le mètre fait partie, et qui est la plupart des pays, en fait, la grande majorité des pays sur la Terre l'ont adopté, sauf... Les États-Unis, bien entendu. Les États-Unis, bien entendu. Et deux petits pays obscurs, la Birmanie et l'autre dont je me souviens plus le nom. Mais est-ce que l'Angleterre, elle, est au métrique? Oui, l'Angleterre, oui, officiellement, a adopté le système métrique, même s'ils utilisent encore dans la vie de tous les jours le système impérial, effectivement. D'accord. Donc, pour ce mètre, ce fameux mètre, en fait, d'abord, un peu d'étymologie. Le mot mètre vient du grec métron, qui veut dire mesure. Donc, en fait, l'origine du mètre ou l'origine de la mesure est lointaine parce qu'on mesure depuis très longtemps, évidemment. Chez les Égyptiens, on mesurait grâce... En fait, d'ailleurs, on a parlé du pied pour la mesure. Oui. La première mesure qu'on utilise, la première unité de mesure, c'est souvent basée sur notre corps. Ah, on n'a pas besoin de traîner d'appareil de mesure. C'est vrai. On a notre corps à portée. Donc, le pied, pour les Égyptiens, c'était la coudée. Donc, une mesure qui part du coude, qui va jusqu'au bout des doigts. Puis, c'est à peu près plus ou moins constant d'une personne à l'autre, là, grosso modo. Ça varie quand même beaucoup, mais somme toute, c'est assez constant. Ça dépend toujours du degré de précision qu'on veut. Oui, mais c'est toujours du même ordre de grandeur, disons. Mais c'est tout à fait intéressant que tu soulèves la question. François, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise, bon, le pied, c'est telle longueur, puis ça va être mon pied, ou autre chose. Effectivement. Donc, les Égyptiens mesuraient, entre autres, les champs. Après la crue du Nil, les champs devaient être remesurés pour être sûr que tout le monde avait la même parcelle qu'avant, pour pouvoir payer des impôts en conséquence du terrain qu'on avait. Si on avait plus grand, on payait plus d'impôts. Évidemment, pour ce qui est des échanges économiques, le poids, le volume, tout ça, on a besoin d'unités. Donc, on mesure depuis très longtemps. Il faut donc remonter à l'origine de la géométrie pour pouvoir parler du mètre. On fait un petit détour, mais quand même. D'ailleurs, la géométrie, qui n'en a pas fait à l'école, on connaît tout un peu de géométrie. Ça veut dire mesure de la Terre. Géo pour Terre, métrie, qui est mètre, mesure. Donc, mesure de la Terre. Tout à fait. Au départ, la géométrie, c'est la mesure de la Terre. Donc, on attribue souvent l'origine de la géométrie aux Grecs. Mais ils ont pris les connaissances que les Égyptiens et les Mésopotamiens avant eux avaient. Mais les Grecs ont colligé cette information, systématisé cette information. Ils sont très forts pour ça, les Grecs. Et donc, en fait, on a retrouvé un papyrus de Rhind, un papyrus égyptien, qui date de 1500 ans avant notre ère, qui montre que les Égyptiens savaient calculer l'aire d'un triangle. Donc, ils faisaient déjà de la géométrie bien avant les Grecs. On connaît les Grecs, donc Euclide, peut-être en particulier, pour ceux qui ont fait de la géométrie, peut-être un peu plus poussée, mais qui connaissent un peu plus l'histoire de la géométrie, Euclide et ses éléments, un livre, en fait, probablement le livre scientifique qui a été le plus édité, le plus d'éditions. Donc, Euclide a systématisé toute la géométrie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les Grecs étaient forts en géométrie, puis on leur attribue d'ailleurs la première mesure de la circonférence de la Terre. Je parle de la circonférence de la Terre parce que le mètre a été défini, on y reviendra plus tard, mais a été défini en 1791 sur la base de la Terre. Oui, ce qui est étonnant, effectivement, mais on va y revenir plus tard. Effectivement, parce que, en fait, le mètre, pour plusieurs, c'est soit une règle de bois, pour les plus anciens peut-être, pour les autres, c'est juste une unité de longueur qui se retrouve sur un ruban à mesurer. Mais au départ, le mètre, c'est quand même quelque chose qui est basé sur quelque chose de physique. Sur la dimension de la Terre. Sur la dimension de la Terre, voilà. Donc, le premier, on attribue les premières mesures de la Terre aux Grecs, Aristote entre autres. Mais une des mesures célèbres qui a été faite, qu'on voit dans à peu près tous les cours de physique, si on fait de la physique un peu plus avancée, on l'attribue à Ératosthène. OK. Ératosthène, et qui était Ératosthène? Ben, c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Intéressant. Alexandrie qui est en Égypte. Uh-huh. Il était grec, mais la Grèce avait étendu son royaume un peu. Et donc, il était à Alexandrie. Et il était donc directeur de cette bibliothèque qui était la plus grande à l'époque. En fait, à l'époque, il y avait même eu un décret par Ptolémée, le roi de l'époque, où tous les visiteurs qui passaient par Alexandrie se faisaient confisquer leurs livres, puis les scribes recopiaient les livres. En fait, c'était la bibliothèque la plus fournie de l'époque. Donc, ah bon? Évidemment, Ératosthène était érudit, connaissait beaucoup, beaucoup de choses, dont les écrits scientifiques. Il était d'ailleurs ami avec Archimède, le fameux Archimède qu'on connaît pour la poussée d'Archimède, son Eureka et tout ça. Et donc, il aurait mesuré ou calculé en fait la circonférence de la Terre seulement en utilisant de la géométrie assez simple. Vous allez voir. Donc, il a eu vent, en étant directeur de la bibliothèque, que le 21 juin, au solstice d'été, dans une ville un peu plus au sud qu'Alexandrie, qu'on appelle aujourd'hui Assouan, qui s'appelait Sienne à l'époque, les gens, quand ils allaient chercher l'eau au puits, ils voyaient l'ombre de leur tête dans le fond du puits. OK, c'est-à-dire que le soleil était parfaitement au-dessus de leur tête, ça? Exactement. Uh-huh. Le soleil était directement au zénith, à la verticale complètement. Uh-huh. Ce qui était étonnant, c'est que pour lui, à Alexandrie, le même jour, le 21 juin, le soleil, en fait, quand il allait chercher de l'eau, il ne voyait pas son ombre. Uh-huh. Puis les statues... Les obélisques et tout ça, portaient un ombre. Ben oui, projetaient un ombre. Exact. Donc, ça veut dire que le soleil n'était pas directement à la verticale, mais faisait un angle avec cette verticale. Exactement. Ben, Sosthène, par la géométrie simple, s'est dit, si je calcule ou si je mesure l'angle que fait le soleil avec la verticale, je vais pouvoir mesurer ou calculer la circonférence de la Terre. Ah bon? Et comment il a procédé? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bien sûr. Ben, déjà, mesurer l'angle, c'est pas très compliqué. Si on connaît la hauteur d'une statue ou d'un obélisque puis on mesure la longueur au sol, on est capable de déterminer l'angle que fait la ligne qu'on tracerait à partir du point de l'obélisque ou de la statue jusqu'au sommet de l'ombre. Effectivement. Et quand il fait ça, il trouve 7,2 degrés. Ah. Et donc, son truc, c'est de dire, si on prend la Terre, qu'on croyait sphérique à l'époque, alors l'idée de la Terre plate, on pourrait y revenir, mais à l'époque, on pensait bien qu'elle était sphérique. Et donc, si on prend cette Terre sphérique et qu'on la coupe en deux, ça fait un cercle. Oui. Mais on la coupe en deux sur la ligne qui passe par Alexandrie et Sienne. Oui. Donc, le cercle qu'on a, sur ce cercle-là, sur la circonférence, il y a Alexandrie et Sienne. Si on prend une ligne qui part d'Alexandrie et qu'on trace vers le centre de la Terre, puis qu'on fait la même chose à partir de Sienne, on trace une ligne qui va vers le centre de la Terre sur ce cercle qu'on a coupé, ça nous fait une pointe de tarte. Tout à fait. Une pointe de tarte qui, par géométrie simple, a 7,2 degrés d'angle. Donc, ça fait une toute petite pointe de tarte, mais il en rentre environ 50 dans la Terre au complet. Uh-huh. Ça fait 50 pointes de tarte, on peut nourrir 50 convives avec cette pointe de tarte. Mais en fait, Ératosthène se dit, si je connais la distance entre Alexandrie et Sienne et que je multiplie par 50, je vais pouvoir avoir la circonférence de la Terre. Ah, donc, tout simplement, il a pu calculer la distance comme ça, la circonférence de la Terre. Mais la distance entre les deux villes était connue, par contre? Ah, ben là, c'est là que c'est intéressant. Lui, il ne la connaissait pas directement, mais il y avait beaucoup de caravanes qui se promenaient d'Alexandrie à Sienne. Uh-huh. Et donc, c'était reconnu à l'époque. Les chameaux avaient un pas très régulier. Donc, on mesurait les distances, les grandes distances comme ça, en pas de chameau. Puis, évidemment, donc le pas de chameau, ça pouvait être une distance à l'époque. Il n'y avait pas de mètre, mais il y avait des pas de chameau. Il y avait des coudées, des pas de chameau. On avait aussi, en fait, des distances plus grandes, comme nous, on a les kilomètres, qui est un multiple du mètre. Ils avaient les stades. Donc, la distance entre Alexandrie et Sienne, c'est 5000 stades. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas aujourd'hui c'est quoi la distance d'un stade. Mais si on fait la conversion avec le stade égyptien qui avait cours à l'époque, on arrive à une valeur qui est particulièrement proche de la valeur qu'on connaît aujourd'hui. Ah bon? Ératosthène serait arrivé, avec son calcul, à 39 375 kilomètres. Alors que c'est à peu près quoi? 40 000 kilomètres? C'est 40 007 kilomètres à l'équateur. C'est incroyable. C'est assez incroyable, en effet, d'arriver à aussi près de la valeur connue aujourd'hui. Avec les moyens de l'époque. Oui, c'est ça. Et de la géométrie, somme toute, assez simple. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on a les satellites et tout. Et donc, c'est la première fois qu'on a mesuré la Terre. Et on était en quelle année, ça? Donc ça, c'est 300 ans avant Jésus-Christ environ, 250 ans. OK, donc ça fait longtemps. Oui, ça fait plus de 2000 ans, donc. Ah. Voilà. Maintenant, là, on voit qu'il y a quelques unités. La période, cette période-là, donc les Égyptiens, les Grecs, tout ça, même les Romains, ils sont capables d'avoir une étendue, un empire, l'Empire romain. Ils sont capables d'avoir une uniformité dans les mesures, dans les poids et mesures. Mais suite à la chute de l'Empire romain, le Moyen-Âge, on voit se multiplier la quantité d'unités que les gens utilisent. Chaque village commence à avoir sa propre unité. Donc, on a des coudées, mais les coudées ne sont pas toutes pareilles partout. Différentes, on appelle les coudées, mais ils ont des longueurs différentes. On a des toises, mais les toises ne sont pas pareilles partout. On a des brassées, puis on a des unités particulières à différents pays ou à différents villages même. Donc, finalement, on a un paquet d'unités à l'échelle mondiale. Là. Exact. Une panoplie. En fait, c'est les historiens recensent au-dessus de 250 000 unités de mesure différentes seulement en Europe. Okay. Et donc, ça devient cafouiller un peu, évidemment. Les traducteurs, si on veut parler comme ça, les traducteurs, à cette époque-là, ce sont les marchands. Ceux qui se promènent de ville en ville et qui vendent leurs étoffes, qui vendent la nourriture, etc. Ils ont besoin de connaître les conversions pour pouvoir commercer dans les différents villages. Évidemment, comme c'est eux qui connaissent les unités, la population en souffre parce qu'ils peuvent manipuler un peu les unités, tout ça. Trafiquer, effectivement. Exact. En leur faveur. Là. Donc, une grogne populaire, tout ça. Puis, en fait, on arrive donc près de la Révolution française, où là, il y a des idéaux de vouloir débarquer la monarchie, enlever la religion, tout ça. Et par le même fait, on met en place, en fait, cette idée que peut-être qu'on devrait avoir une mesure unique, ou en fait, quelques mesures qu'on pourrait étendre à la planète, déjà à la France, pourquoi pas au monde, ça serait plus intéressant. Puis, du point de vue scientifique, rendu dans les années 1700-1800, on a des techniques assez avancées, on est assez précis dans beaucoup de mesures, et on a besoin d'une uniformité pour pouvoir comparer nos mesures dans différentes villes, dans différents laboratoires. Et donc, suite à la Révolution, on propose d'adopter le système métrique qui est basé sur un système décimal. Et c'est là que rentrent en scène, en fait, deux scientifiques importants. Mm-hmm. On décide, donc la Révolution se fait en 1789, le fort de la Révolution. En 1791, on définit le mètre comme étant, donc, on a toujours utilisé des unités qui étaient basées sur le corps humain. On veut quelque chose de plus universel. Parce que l'humain, justement, c'est assez variable d'une place à l'autre. Effectivement. Quelque chose de plus universel, on choisit quoi? On choisit la Terre, qui appartient à tout le monde. Comme la Terre appartient à tout le monde, la nouvelle unité va appartenir à tout le monde. Et donc, on choisit la Terre. On définit le mètre comme étant le 1 dix millionième du quart de la circonférence terrestre. OK. Donc, la distance entre l'équateur et le pôle Nord. Quoi. Exact. Okay. Exact. Donc, on choisit le 10 millionième de cette distance-là. Maintenant, il faut la calculer, cette distance-là. Exact. Il faut la mesurer. Oui, en fait, la mesurer. Plus que la calculer, quoique ça implique beaucoup de calculs, effectivement. Et donc, l'Académie française mandate deux scientifiques, Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre, pour partir en expédition pour mesurer la circonférence de la Terre. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils partent pas avec un galon mesuré. Non, c'est ça. Ils partent avec quelque chose, à la limite, peut-être un peu plus simple, un rapporteur d'angle. OK. Ouais. OK. Parce qu'ils voulaient faire ça par triangulation, quoi? Exactement. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ben oui, tout à fait. C'est justement l'idée. En fait, la plupart du temps, on mesure avec une règle, puis c'est pas très commun d'utiliser la triangulation pour faire des mesures. Par contre, lorsqu'on voudrait traverser une rivière, puis qu'on ne sait pas c'est quoi la distance de la rivière, on pourrait calculer la distance ou la largeur de la rivière par triangulation. Et c'est ce que Delambre et Méchain vont faire pour mesurer une distance, en fait, ils ont été mandatés pour mesurer, un peu comme Eratosthène le fait, une partie seulement de la Terre, et ensuite faire une multiplication, comme Eratosthène le fait, pour savoir la circonférence. Ils vont mesurer une portion qui va de Dunkerque, au nord de la France, jusqu'à Barcelone, environ 1000 km. Okay. Et donc, ils vont trianguler cette région. Qu'est-ce que c'est la triangulation? Ouais. En fait, ils vont se promener de montagne, en clocher d'église, en bâtiment assez élevé, et avec leur rapporteur d'angle, ils vont mesurer, lorsqu'ils sont sur une montagne, ils vont pointer leur rapporteur d'angle sur la montagne où ils s'en vont après, et ensuite, sur le clocher, dans un autre village plus loin, où ils vont aller un peu plus tard. Et ils notent l'angle. Okay. Ils partent en voyage, ils ramassent tous leurs instruments, tout ça. Ils s'en vont sur l'autre montagne. Ils repointent où ils étaient, prennent une mesure. Ils pointent le clocher d'église où ils s'en vont, prennent une mesure d'angle. Ils font la même chose, ils débarquent, rembarquent le matériel, s'en vont sur le clocher d'église. Sur le clocher d'église. Pointent où ils étaient en premier, le deuxième lieu, notent l'angle. Ils ont maintenant les trois angles du triangle. Okay. Et une fois qu'ils ont ça, En fait, il a suffi de faire une mesure de longueur pour connaître toutes les autres longueurs. C'est ça. Mais ils ne font pas ça tout de suite. Ah, OK. Ils vont trianguler de Dunkerque jusqu'à Barcelone comme ça. OK, juste donc une succession de triangles. Exact. D'un point à l'autre, là, c'est d'un ça. D'un point à l'autre. Donc, une chaîne de triangles qu'on voit un peu partout de Dunkerque jusqu'à Barcelone. Et après, il suffit de connaître une des distances. Exact. Et on connaît toutes les autres. Exactement. OK. Donc, c'est la propriété des triangles. Une fois c'est qu'on connaît les angles, puis qu'on a une seule mesure de distance, on est capable de trouver par calcul toutes les autres distances. Et donc, déjà, c'est pendant la Révolution française, donc leur périple, en fait, dure 7 ans. Parce que des fois, ils se font arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des espions. Qu'est-ce que c'est votre matériel scientifique? Qu'est-ce que c'est ça? Les gens ne connaissaient pas ça. C'était tout nouveau. Il y avait l'instrument qu'ils ont utilisé s'appelait un cercle répétiteur de Broda. Et donc, ça leur permettait de répéter la mesure et d'avoir une précision aussi grande qu'ils voulaient, en fait. Ça dépend juste du temps qu'ils voulaient y mettre. Et donc, toutes sortes d'anecdotes comme ça, où ils se font arrêter, où ils ont besoin de papiers officiels et tout. Ils sont arrêtés par plein de gens. Ils doivent faire des démonstrations publiques. Les gens, ah ouais, c'est bien, OK, on vous laisse aller. Tout ça. Se sont fait défaire leurs signaux sur les montagnes, tout ça, parce qu'on pensait que c'était des postes d'observation pour les espions. Donc, ça a été très long pendant 7 ans. Ils font cette triangulation. À la fin, ils font une mesure très précise d'une des longueurs. Donc, ils appellent ça la mesure de la base. Uh-huh. Tellement précis qu'en fait, ils avaient des règles. Ils notaient la température, parce qu'on sait bien que, dépendant de la température, un matériau peut rapetisser ou allonger. S'il fait plus chaud, ça allonge. S'il fait plus froid, ça rapetisse. Est-ce que le matériau était un métal? Ou Oui, c'était en fait un mélange de deux métaux pour éviter justement le plus possible cette élongation, cette expansion, cette contraction selon la température. Et donc, ils font une mesure très, très précise. Donc, c'était sérieux. Sérieux. Ben, ça allait déterminer une unité qu'on allait éventuellement utiliser pour la France et peut-être suggérer pour le monde. Donc, ça se devait d'être très sérieux. Et donc, ils font cette triangulation et ils arrivent effectivement à mesurer cette distance entre Dunkerque et Barcelone, faire la multiplication et trouver la circonférence. Par rapport à la triangulation, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait cette triangulation nous-mêmes pour évaluer les distances sans le savoir à tous les jours. C'est ce qui nous permet d'attraper la poignée de porte ou votre tasse de café et tout. Okay. Quelles sont les mesures d'angle que l'on fait, tu penses, François? De façon un peu inconsciente? Je sais pas, des angles... Pourtant, c'est plutôt des... Je dirais des demi-cercles, quoi, ou des quarts de cercle. En fait, on utilise nos yeux, évidemment, pour évaluer les distances. Oui. On a deux yeux. Ah! Quand on regarde un objet, il y a donc deux angles... Là, je comprends ta question. Vers lesquels on regarde. Puis, si les gens veulent faire une expérience à la maison, on peut faire ceci. Si vous mettez votre doigt à peu près à 10 cm de vos yeux, puis que vous regardez le fond, le mur qui est derrière vous, puis que vous fermez un œil et un autre œil, vous voyez le doigt se déplacer par rapport à l'image du fond. Tout à fait. Si vous mettez votre doigt le plus loin possible de vous, et que vous faites la même chose, fermez un œil, fermez l'autre œil, vous regardez... Ça bouge presque pas. Là. Ça bouge beaucoup moins. Oui. Mais en fait, le cerveau est capable d'interpréter, connaissant par expérience la distance entre les deux yeux d'une certaine manière, et connaissant la différence entre les deux images que chaque œil voit, est capable d'évaluer la distance des objets. OK, c'est comme ça que le cerveau procède pour... Exactement. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a... Souvent qu'un œil ne peut pas évaluer la distance. Tout à fait. D'ailleurs, je vous suggère cette expérience. Évidemment, chez vous, ça ne marchera pas parce que c'est un environnement connu. Vous savez à peu près les distances par expérience. Mais si vous allez dans un endroit faire de la marche en forêt ou chez un ami que vous ne connaissez pas trop la maison, bouchez-vous un œil pendant quelques minutes, puis essayez de vous promener, puis essayez de ramasser des choses autour. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Si vous faites une marche en forêt, faites attention, pas vous enfarger, puis vous faire mal. Et d'ailleurs, même en auto, je pense que quelqu'un qui a seulement qu'un œil, il ne peut pas vraiment évaluer les distances entre son véhicule et celui qui suit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît quand même la grosseur des véhicules. Oui. Mais quand on connaît la grosseur des véhicules, on sait qu'un véhicule qui a telle grandeur à telle distance, dans notre champ de vision, qui a tel diamètre angulaire, on sait à peu près à quelle distance il est, même si on a juste un œil, parce qu'on connaît la distance d'une voiture. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est ce qui fait qu'on peut faire des illusions. Je peux vous présenter une photo où j'ai mis une auto miniature très proche. J'ai pris une photo, vous avez l'impression que c'est une vraie auto qui est beaucoup plus loin. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup d'illusions qui sont faites comme ça. On en voit sur Internet partout des gens qui tiennent la tour de Pise. On a l'impression qu'ils sont pratiquement de la même grandeur. Et donc, ça, c'en est une illusion de perspective. Ou la lune dans leurs mains, exactement. C'est aussi ce qui fait qu'on peut voir des films en 3 dimensions. Ah, ben oui. Les films 3D. On présente aux yeux 2 images différentes. Avant, c'était les fameuses lunettes rouges et bleues. Aujourd'hui, ce sont les lunettes, c'est par polarisation, c'est un peu différent, mais on présente 2 images différentes aux yeux et ça nous donne cet effet de profondeur. Et je me suis toujours demandé à quelle distance on mettait les caméras l'une de l'autre J'imagine que ça dépend peut-être de la profondeur qu'on veut donner à l'image. En fait, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de passer par des caméras. On peut faire un traitement informatique pour séparer l'image, okay. puis la séparation, le degré de séparation okay. de l'image à différents endroits pour la profondeur de l'image va donner la profondeur qu'on va pouvoir percevoir. OK, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de deux caméras, c'est un petit aparté, oui. mais on a mesuré la première distance des étoiles de cette façon-là. Mais ah, on bon, avait bon, besoin okay. des yeux très éloignés, donc on a décidé de faire une mesure, disons, à un point à l'année, dans l'année. Et 6 mois plus tard, quand on était rendu de l'autre côté de l'orbite de la Terre, oui. à 90 degrés, de ah, l'autre côté du Soleil, oui. on avait donc 300 millions de kilomètres. C'est comme ça, mais on avait oui. deux yeux à 300, c'est un fait, séparés de 300 millions de kilomètres. Ça nous a permis de déterminer la distance des étoiles les plus proches. Parce hein. que pour les étoiles les plus loin, ça marche pas. Et donc, voilà. Oui. Donc, ça, c'est la triangulation que Delambre et Méchain ont utilisée pour mesurer la circonférence. Maintenant, Méchain, à la fin de son périple, a fait une mesure pour savoir exactement où ils étaient sur la Terre, pour pouvoir savoir quel arc, en fait, quel angle d'arc on mesurait, comme le 7,2 degrés de Eratosthène. En faisant ces mesures, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec les valeurs qu'on connaissait auparavant. Et puis là, ça l'a hanté complètement. En fait, pendant plusieurs années, il a repoussé sa participation aux congrès internationaux pour présenter les mesures de tout ça. Et au final, bon, en 1799, il n'a pas eu le choix. Ben, il a fallu qu'il aille. Il a masqué un peu ses résultats. Il les a fait fitter plus avec ce qu'on connaissait. Puis plutôt à cause de ça, aujourd'hui, le mètre, selon la définition de 1791, il est trop court de 0,2 mm. Mais on a quand même fabriqué, bien évidemment, à l'époque, on ne savait pas, on a quand même fabriqué le mètre, donc on l'a fabriqué à l'époque, en 1799, on venait de définir le mètre, on avait la mesure juste, on a fabriqué un mètre en platine qui a été au bureau des poids et mesures à Paris pendant très longtemps et qui a défini le mètre, c'était ça le mètre. Okay. Donc les unités nationales ont... au départ, était basé sur des artefacts physiques. Et aujourd'hui, maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a encore une différence, je pense. Oui. Alors, on n'a plus ce mètre. En fait, c'est on ça. L'a comme artefact oui. muséal. C'est ça. Mais le mètre n'est plus défini par ça. Parce que plus le temps passe, à un moment donné, les gens voulaient... on avait des répliques de ce mètre, mais on avait besoin de précision. De plus grande précision que ce qui était possible avec un objet matériel. C'est ça. Donc, ça a pris du temps. Mais en 1960, le Bureau des poids et mesures, Bureau international des poids et mesures, a redéfini le mètre basé sur la longueur d'onde de la lumière, qui est très fine, en fait, qui est de l'ordre oui. du nanomètre, de centaines de nanomètres. C'est ça. Et donc, en 1960, on a défini le mètre comme étant un certain nombre, 1,630,735,73 longueur d'onde du krypton 60, d'une transition de la lumière orange du krypton 86. Donc, c'est complexe, mais somme toute, on a basé ça sur une longueur sur la lumière. Et qui est très, très précise et qui ne varie en fonction de rien non plus. Là. En fait, dans ce cas-ci, c'était une transition ouais. lumineuse, ouais, mais c'est ça. Comme les constantes fondamentales, c'est une recherche en physique, les constantes fondamentales, on a toujours essayé de les tester toujours avec une plus grande précision. Aujourd'hui, la vitesse de la lumière est bien connue. En fait, elle a été même fixée. Maintenant, c'est une valeur fixe, la constante de la lumière. Dans donc, le vide, là, ouais, c'est oui, ça. Exact. Et les mesures qu'on va faire, en fait, joueront pas sur la constante de la vitesse de la lumière. Et donc, aujourd'hui, depuis 1983, le mètre est défini comme la distance que parcourt la lumière en une fraction de temps qui est la vitesse de la lumière. En fait. OK, je comprends. Voilà. Et donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Et on n'a plus d'étalons, donc on n'a plus d'étalons en platine et iridium comme Méchain et Delambre avaient mesuré pour pouvoir c'est le ça. Fabriquer. Par contre, la plupart des autres unités, on a essayé justement de les transformer puis d'utiliser des constantes fondamentales pour les définir. OK. Et aujourd'hui, il n'y reste qu'un seul étalon physique pour les 7 unités du système international, okay. que sont en fait les plus connues, le mètre, la seconde et le kilogramme, c'est les très connus. Il y en a d'autres. Mais donc, le kilogramme est la seule unité qui est encore définie par un étalon physique. Okay. Donc, il y a un poids, il y a un kilogramme officiel okay. au Bureau des poids et mesures, qui, surprenamment, on s'est rendu compte en l'analysant, parce qu'on le sort seulement de ces 3 cloches en verre sous atmosphère contrôlée dans J'imagine. Un coffre-fort incroyable. Il ne faut même pas y toucher parce que ça augmenterait sa masse. Ça pourrait, oui, ça augmenterait sa masse par nos gras, c'est tout ça. Et ça pourrait l'abîmer. Ça oui. pourrait. Mais on s'est rendu compte que même si on le sort une fois aux 50 ans seulement, il perd de la masse. Ah bon, OK. Il perd quelques microgrammes à chaque 50 ans qu'on le sort, une dizaine de microgrammes. On ne sait pas trop pourquoi, on s'explique mal. C'est comme si le métal dans lequel il était fait s'évaporait d'une certaine manière. Oui, ce fait. Donc, c'est un peu bizarre, mais d'où l'intérêt de transformer la définition du kilogramme basée sur les constantes de nature. Et ça, ça devrait être fait en 2018 à la prochaine réunion de la rencontre générale du Bureau international des poids et mesures. Ben, merci beaucoup, Dominique Beaulieu, pour cette histoire absolument fascinante. Je rappelle que vous êtes coordonnateur scientifique au Centre de démonstration des sciences physiques à Québec. Et on va passer en pause musicale et peut-être qu'en pause publicitaire directement. Et on vous revient avec Mélanie Jean, qui va nous parler de la possible découverte du plus grand cratère du monde. À tout de suite.